zortzi herrialdeak zuzenean Euskal Irratietan. Euskal Diasporaren emankizuna. Hilabetero, lehen igande guziz, arratsiko zortzietatik goiti bederatziak eterdi arte. Eta errepika astelenean, gaueko behatzietan. Zortzi herrialdeak zuzenean. Euskal Irratia eta zortzi probintziak elkarteak antolaturik. Agur deneri, entzuten duzu ez zortzi herrialdeak zuzenean Euskal Diasporaren emankizuna. Hola a todos, estáis escuchándonos. Zortzi herrialdeak zuzenean, la radio para la diaspora vasca. Hi everybody, you're listening to the Zortzi Provinziak Heraldiak zuzenean, the Basque Diaspora Show. Zortzi Heraldiak zuzenean, the Basque Diaspora Show. Bonjour tout le monde, vous écoutez donc l'émission de radio Zortzi Heraldiak zuzenean, l'émission de la diaspora basque. Je vous propose en attendant de commencer, comme toute chaque émission, en zuten dugu, Johnny Kuruchet. Eskaldon lorra agor bat egun, heldu zaizu urrunetik. Barre haturik mundu altuzun, seme eta ala betari. Argentina urrugai Txile, estado batuetari. Marroko Afrika, Xangai Txina, ta berdin Australiatik. Zuri bezen bat maite dugunik, guretzat ez da berzerik. Johnny Kuruchetek idatzi duen bertsoa zortzi herrialdeak zuzenean entzule guzienzat. Agur Robert, agur Esther, untxa? Bai, untxa. Bai. Everything okay? Impeccable. Impeccable, Robert. Laia, Fernando ibatre kontak zitantan kamza. Beraz, gaur aipatuko ditugu ukandugun bisita bat hau Argentinatik oi dela BHT, Patagoniatik prezeski Rocio Basterra eta bere mutiko laguna Josetxo. Zubiak kooperatibaren azken berriak eta hor entzun ongi zenta izan dira beraz ikastaro batzuen proposamenak. Emigrazioa, ere bai aparteko dugu, gira Euskal Diasporaren irratxoa joa, eta orain hartu ustute dugula inoiz aipatu emigrazioa. Ona aipatuko dugu emigrazioa, zergaitik hori aipatuko dugu, hori aipatuko dugu Robert eta Esterekin prezeski. Eta debeti bizela, beraz, diasporaren berri, eguraldia eta bar. Deitu nahi baldin baduzue, galdera bat baldin baduzue, 0-5-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9- www.radiotxandaluzia.com elbidera. Si queréis llamarnos, tenéis una pregunta. ¿Queréis enviar un mensaje a tu familia? Podéis llamar a este número 0033-559-596030 o enviarnos un correo electrónico a esta dirección irratia@8provinciac.com. Vous souhaitez nous appeler, faire passer un message, vous pouvez nous appeler à ce numéro international qui est le 0033-559-596030 ou par courriel à irratia@8provinciac.com. If you want to call us and get in contact with us with any questions or to leave a message for a family or friend, do not hesitate to call us at international 33-559-596030 or send us an email at irratia@8provinciac.com. Minisker Robert. Beraz, hasten dugu, beraz, Rocio Bastera eta Josetxu. Orduan, Rocio Bastera, hemen ongi ezagutzen dugu, gure entzulek ere bai, zenta batzuk eto izan dira gurekin joan den ekainean hor Baionako egoitzan. Eta beraz, Rocio ikusi genuen pantaia ondian hor, konektatuta Patagoniako eskualetxetik, Vietmako eskualetxetik. Eta Rocio eta Josetxu beraz hor ziren hor urtarrilean eta etorri dira beraz. Egin dute uste dute Europako itzulino bat, hori da, Bai, hori da. Ikusitu zure bai ezter, Bai, joan ziren uste du. Inglaterrara, Italiara, Parisera, Venizera, inguruan. Eta gero azkenean noski Euskal Herrian egon ziren. Hori ezin ziren hemendik ez pasatu. Hori debekatuta dago. Debekatuta dago horien dako. Eta beraz, Rocio, guaidela, lau urte zela etorri, ipar Euskal Herrian, presesi edo Euskal Herrian, eta hor aldi honetan, azken aldian, nahi zituen bisitatu, beraz, ze, tresna ditugun hemen, baloratzeko Euskal Hizkuntza, baina aurrekin. Ondan bisitatu genuen luma hortzendegia, bisitatu genuen, bisitatu behar genuen udaleku elkartea, ikastola bat ere bai, efe olako gauzak, eta piskat ikusteko eiek zer, nolako tresnak sortzen alituzten Argentinan ere. Lehen aldikot, etorri ziren onerat, eta bisitatu zituzten egoaldeko erakunde batzuk, eta nik esplikatu nion, baina ere egoaldeko ejemploa txarra zela. Zenta, bebai, zenta egualdean, bada, beraz, euskal gobernua. Eta euskal gobernuak mantentzen ditu euskarazko gauzak, euskarazko tresna, baina zizik eta guk iparaldean borrokatu bergira sortzeko gauz horiek. Eta beraz, eiek ere bai, Argentinan borrokatu berko dira, borrokabat egin berko dute sortzeko. Beraz, konparaketa egin berko dute iparaldearekin, eta ez sobera egualdearekin, egualdeak lakuntzen alako du, diruz edo teknikoki, baina... proiektuaren montaketan eta proiektuaren bizitzan ere bai, hori ikusi behar ditaike gehiago iparaldean. Hori nahi nuen pixka tazpimarratu Rocio Basterari buruz. Rocio Bastera pilotaria? Bai. Zu bezala? Bai, pilotaria zen. Eta, bai, segitzen du pixka batez? Ba, uste dut berak esan zigun ezetz, ja jubilatuta dago. Ogoita maia iru urte jubilatuta? Ba, uste dut bai ez, eh? 33 ans à la retraite, j'hallucine. Ah, gastea, bai, bai. Baina, abokata. Bai, abokat, eh? Bai, katzen ari da, hori da. Bai. Eta beraz, Rocio Basterra, beraz hor sartu da, hor urtahilaren ogoita batean. Itzuli berda, laster edo ez dakizu? Ez daki. Eta zuk, dakizu? Ez dakit, etortzen bada laster. Zuiz, jolastu duzu, beraren kontra? Bai, Argentinan. Han egon, han ezagutu nuen, uste du 2000an bederatzean, eta nire bikote Maiterekin ara joan ginen, denengo txapelketak jolasteko, eta beren aurka jokatu nuen, eta bai, galdu genuen. Ai, ai, ai, ai. Rocioren aurka. Rocio, bon. Baina hazi ginen arramana ona. Eta segitu. Ba, eta haitzen dugu. Eta beraz, hor erramar da, nun elkartu gira lehen aldikoz, bai honan, eta egun berean ospatzen zuten beraz Baionako gaztetxearen sorkuntza. Ofizialtasuna, beraz Baiona orkogatu gira. Eta erran baitu, egun hortan Baionako gaztetxean bazela Vietmako euskaletxa, zu, Seattle edo Boizekoa. Bai, biak. Hala, biak, eta ba eguk euskaletxeko euskaldunak. Piska denek argituak ziren, erraiten nualerik. Ba, balakizu, badela Ipar Ameriketako bat, eta badela Argentinar bat ere bai, abo, eta nondira, bai, eta euskaldunak gaina, abo, eta nondira. Ordan iringarria zen, piskat, eta ikustea jendeak oarte zan, bai, be, diasporatik ere bai, be, jendeak etortzen zirela, piskat bat, eta olako lekuetan, eta emengo jendeak dako, ere bai, interesgarria da. Zu gaur Tolosan izan zira, iauterietan? Bai. Ostiralean preparatu duzu, bazfinuen pastoralaren preparakuntza? Bai. Ere bai? Bai, atzo ez. Ostiralean bai honan pastorala muztraka egiten, eta gero gaur... Tolosara joan nintzen. Galdera bato, errexago, zer ez duzu egiten? What you do? Ez dut hainbeste lo egiten. Hala, donc j'ai demandé, parce que Esther fait énormément de choses, donc j'ai dit, écoute, on va aller plus simple, tu vas nous dire tout simplement ce que tu ne fais pas, et ça sera plus simple. Donc, do you know the group Perva Peepers? Perva Peepers. Entzun, musika entzuten zu. Sunshine when she's gone. He's not warm, she goes away. Ain't no sunshine when she's gone. She's always gone too long. Anytime one that this time when she's gone, wonder if she gonna stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime know, I know, I know, I know, I know, I know. Ain't no sunshine when she's gone. She's always gone too long. Anytime she goes away, oh no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away, ain't no sunshine. Darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away, anytime. Pervert Peepers entzuten duzue sortzi herrialdeak zuzenean Euskal Diasporaren emankizuna. Sortzi herrialdeak zuzenean la radio para la diaspora vasca. You're listening to the sortzi herrialdeak zuzenean, yes! The Basque Diaspora's show. Vous écoutez night. Sortzi herrialdeak zuzenean, l'émission de la diaspora vasque. Bravo, Robert. Sorry, man. Robert, on a juste un message à l'instant de quelqu'un que tu connais bien, Fernando. Oui. Qui n'a dit que ça y est, il arrive, je te le lis à l'instant. Tac. Dis à Robert, rendez-vous pour Pâques. En plus, l'émission tombera le dimanche où on sera là. Ah, donc, bien. Le dimanche de Pâques, les Chkwalecha de Marseille, ici. Right. À la... Au pays. À la Chegitzen Dugo, on va continuer maintenant avec une autre partie, là qui est un peu plus économique, on va dire. C'est la SCIC SA Soubiac, les informations de la SCIC, la Société Coopérative d'Intérêt Collectif Soubiac, dont l'objet est de favoriser le développement économique du territoire Pays Basque par des mises en relation avec les acteurs économiques de la diaspora. Tel est l'objet de la coopérative Soubiac. Elle intervient dans tous les domaines d'activité, y compris dans les propositions d'offres d'emploi et de stages. Et ainsi, donc, nous proposons ici une liste exhaustive de certaines offres qui sont disponibles aujourd'hui sur le site internet de la coopérative, qui est donc www.scic.soubiac.com. Alors, d'abord, il y a un stage à faire chez Soubiac. Donc on cherche un stagiaire ou une stagiaire en assistance de direction. Donc pour tout renseignement, il faut envoyer un vos messages à un email direction@scic-soubiac.com. Alors là, on a choisi une catégorie, donc qui est le tourisme essentiellement. Donc ces offres de stage sont en Euskal Herria, en France et dans la diaspora. D'accord. Là, les offres que nous avons sont essentiellement Euskal Herria et France, on va dire. Donc, un stage de responsable en hébergement. Voilà. Donc, il y a quelqu'un qui cherche un assistant responsable d'hébergement. Des stages également chargés de e-marketing et réceptionniste en hôtellerie de plein air, en 3 étoiles. Également, un stage au sein du service de réservation des visites guidées du muséum. Un stage en assistant ou assistante responsable d'accueil dans un camping 5 étoiles. Ce sont des offres qui datent du 4 février. Assistant promotion en communication, un stage en assistant responsable de vente, des ventes annexes. Également un stage assistant chef de produit de tourisme à Vélo Europe. Un stage assistant, donc gouvernante. Également un stage chargé de promotion, communication et accueil touristique. Un stage toujours en technicien de maintenance, le 4 février. un stage assistant marketing de communication, un stage communication numérique et animation des réseaux, un stage guide conférencier, un stage animateur aire de loisirs dans les arbres, un stage pour assistant réservation en tourisme, également un stage pour être agent d'accueil ou guide, un stage également en accueil tourisme, et ça c'est une offre qui date du 3 février, un stage chargé de mission en marketing, toujours du 3 février, et un stage de projet dans le tourisme en date du 2 février. Et enfin, au niveau des stages, c'est un stage commercialisateur de centre de vacances. Alors ça, alors là on a pris juste le domaine du tourisme, sachez qu'il y a tous les secteurs d'activité. La logistique, le transport, le monde l'agroalimentaire, les services, les avocats, les professions libérales, il y a énormément. Il y a par jour, en offre d'emploi CDI, 370 offres d'emploi publiées par jour sur le site de Soubiac, plus des contrats CDD, plus des stages, plus des contrats en alternance, plus des VIE. VIE qui veut dire volontariat international en entreprise. Et nous sommes également en train de développer également donc tous les formulaires, tout ce qu'il faut savoir. Par exemple, si vous souhaitez aller demain travailler en Argentine, le droit du travail en Argentine, combien est-ce qu'on est rémunéré à l'heure en Argentine, toute la réglementation qui est liée, mais également le passeport, le visa, toutes ces choses-là classiques, mais également choses que l'on ne pense pas, qui est tout simplement le droit du travail. Voilà, et ensuite on va continuer maintenant avec des emplois, là ce sont dans le domaine de l'environnement, des stages toujours, donc un stage en exploitation de traitement de l'eau, un stage également en exploitation collecte de déchets, donc là c'est vraiment dans le domaine de l'environnement, hein. Stage en exploitation de l'eau, on l'a dit, stage ingénieur électricité assistant chef de projet, un stage en hydrogéologie, un stage, alors ça c'est une offre du 21 janvier, un stagiaire GPI, des stages valorisation et tri des déchets, projet d'accompagnement technique et opérationnel, un stage chargé d'études environnementales, stage sur le cycle de l'eau. Voilà. Donc ça, ce sont pour les stages. Là, à présent, on va vous proposer les emplois en CDI, exclusivement en Iparralde. Alors, l'ANA, stage... Dis-là, Practicac, ok? Internship, yeah, internship. Itzul penaiten alida ien artean diadanik. Hala, beraz, stage dira ikastaloak, ok? Lana ente, alors, beraz, Oli, atxemenean alkoduzue, un technicien assistant informatique, une offre du 5 février, ça c'est du CDI temps plein, un technicien, un coordinateur HSE, une secrétaire comptable bilingue, chaudronnier, un agent d'entretien, un carrossier, un maçon, un mécanicien parc et un technicien de maintenance. Donc, mis à part le poste de technicien assistant informatique, coordinateur HSE et le secrétaire comptable, qui sont des offres du 5 février, toutes les autres sont du 28 février, du 28 janvier, pardon. Horaintzi bertan proposatzen da duzuten zutea pausatxo batekin endugu, eta entzunen dugu, aitoren lura, egon, entzun. Thank you. Hala beraz, eta beraz entzun dugu Aitoren lura eta oraintxe bertan badugu mezu bat Bretaniatik heldu dena, erraiten dena, Matartiflet est une tuerie. Ados, entzule batek, voilà, donc on a une auditrice qui nous appelle en message de Bretagne qui dit que sa tartiflette est une tuerie, elle nous écoute, donc apparemment manger une tartiflette, d'accord. Eh bien nous pensons à toi, très chère Coraline. Donc, badugu norbait telefono, si duritzen zaut. Allo? Gawon. Gawon, Iban dugu gurekin telefonoz. Bai, Iban ez. Hala, Iban zila. Nondik daitzen diguzu? Eta nik dona politik. Dona politik, orduan, baduzu mesu bat? Bai, badun mesu bat eta nahi bauk eta kampanien eta jende guzi horiek agasarteko bidea bautela eskoalegiratzen eta eskoalegian badiago jen beharra eta nik nahi horiek jendea eskoalegian ikusi eta kampua nahi bauk. Baba, noski, baina egia, baba, baina badakizu zagaitik hainbeste dira kampuan? Ba, ah. Kia baina, ba, ale... Baditu manera, gero, ene ustez pentsatzen diat eskolegian badea alekia denendako eta behar dugula denendaga hemen, ale. Hala, badakizu, begira, badugu gurekin hemen Ester eta Robert eta biak itzuli dira jazpuratiko eskolegira bizitzeko. Ester, Ester endaian bizitzira, Robert bera hortza izen, hala, eta bon, be... Bakikzen ni joanenuk eta... Los Angeles ez dakudean. Ah, ba, nahi duzun janara? Ah, ba, zeiteko? Patzen maute egazkina joain duk. Ba. Bakizu, guai dara, ez da bakarrik egazkina gau, itxasuntziz, bakizu? Treinenu bat hartu, bakizu? Espanizitotzen joanen duk. Ba, ez da, ebatxi Ibai Alderen elkarteko treinenua hori hor, eta izoaz eta treinua ekilan eta Atlantiko pasatu. Iten badatak gotik. Bo, Iban, mila esker handi bat, zure mezuagat. Bo, eta bibaziek eta seizatzi horola. Bai, beha, segituko dugu, mila esker zure deiagatik, mila esker Iban. Diotake. Diotake. Hala, beraz, bai, hala, mesu bat, dona parotik Iban, mila esker Iban, gure entzuleari. Hala, eta nik pentsatzen dut beti kandugu mesuari, hor, la tartiflet hori, ez dakit eta hona denez, baina bo, hala, tu nu diras si elle est bonne la tartiflet, a notre auditrice qui nous écoute. Donc, segitzen dugu, gaintzinatzen dugu gure gaia, emigrazioa. Why? Zer da emigrazioa? Egia erran, orain artea aipatu dugu Euskal Diaspora, Iban bezala aipatu duguna, eta beti kanpoan direnak, eta kanpoan ikusten, baina berak nahi ditukela gehiago ikuse Euskal Herrian. Orduan, hein bainan, kanpoan ikusteko, erran abaitu, lehenago, hemendik joan adidela kanporat, ulertzen duzu. Orduan, Ester, zu, Ester eta Robert, esaten aldigu zue, zer gaitik zuen burasuak. Zenta zuen burasok joan agila edo aita txematxi, joan ziren eta ze kontekstuan Euskal Herrian nola zen eta nola bizitzen ziren gauzak hemen Euskal Herrian. Hein? Eta gero, apre Robert, toa, tu pourras nous expliquer beh, pourquoi tes parents, père, mère, mais même du côté grand-père, je crois, ils ont quitté le pays pour se rendre aux USA et quel était le contexte à l'époque ici, comment est-ce qu'on a vécu les choses, est-ce qu'ils sont partis avec l'agence d'immigration IRIAR ou pas, enfin avec d'autres, enfin... Voilà. Lehenitza, Ester, zuri. Da zer eskuntza? Espainolez o euskeraz? Nahi duzuna. Espainolez, ale. Espainolez, bale. Bota espainol. Bueno, sí, eso. Mis padres fueron de aquí, a Estados Unidos, pero juntos no. Primero fue mi aita. Bueno, ahora es que estoy pensando. No sé si fue mi madre primero. Mi madre tenía tíos que vivían en el estado de Washington. Uh-huh. Y habían ido a trabajar de pastores. Y de parte de su madre y también de su padre. Entonces, ella fue a un pueblo pequeño, si quieren mirar en el mapa de Washington State, cerca de Spokane, pero un pueblo que no había nada. Entonces, ahí mi madre fue y a ver dónde trabajaban y eso, pero sé que a mi madre no le encantó nada Estados Unidos. Entonces, para ella era volver rápido y quedarse aquí en Euskal Herria, en Jaurrieta. Después, mi aita... Él había trabajado ya fuera de su pueblo de Auza, había trabajado en Irún, también en la cantera de El Zaburu. Y entonces mi padre, no sé, dentro de esa época, que este año justo fui a fiestas de Auza y ahí encontré sí. A sus amigos de mi aita que no le han visto. ¿Auzatik, Jonira? Bai, Auzatik. Hau da, Ulzaman. Orduan, intzen, zati bat, Gonzalo Auza, si no os escuchas, pues, la, tengo un amigo que se llama Gonzalo Auza en Buenos Aires, que estaba buscando los datos sobre los Auza, y que tú me dices que tu padre se fue desde Auza. Sí, de Auza. De acuerdo, sí. Gonzalo, si nos escuchas, un abrazo fuerte. Para Bárcate. Gonzalo. Para Gonzalo, claro, Gonzalo Auza. Entonces, de Auza, él hizo un contrato, bueno, según dicen sus amigos, a secretas, que no contó a nadie, ni a su familia, ni nada. Y creo que tenían dos oportunidades de decidir si quería ir con ovejas o con vacas. Uh-huh. Y entonces mi aita decidió ir con vacas, que era mucho más cómodo, porque ir al monte de donde fueron muchos de los pastores, a Nevada, a California, a Oregón, a Idaho, era ir solos a los montes. Uh-huh. Entonces mi padre escogió ir con las vacas. Y entonces, sin saber ni un idioma menos euskera y castellano, se fue. Y ahí también, justo, mundo pequeño, también estaban trabajando dos primos de mi madre, por casualidad, y que a mis aitas no se conocían en esa época. ¿En qué año? En el 66, 67. Mm. Entonces ya fue mi aita de mayor, no de estos de jóvenes. Sí. Y entonces ahí empezó a trabajar y yo creo que rápido él ya le pusieron de mayordomo, y sé que también mi aita sufrió mucho por el idioma, más que nada por que entre... Ahora él sabe que muchos de los americanos le llamaban ay, tonto, estúpido, lo que sea, porque no entendía, pero claro, si le han puesto de mayordomo, entiende mucho. Y entonces ahí empezó, y trabajando con las vacas. Pues, y después vino mi madre. Y como os he contado, mi madre tenía sus tíos que vivían ahí, y un tío que estaba casado con dos hijas y estaban esperando el tercer niño, y la madre y ya estaba a punto de dar luz, y murieron la madre con el tercer niño. Entonces de ahí el tío de mi madre y sus primas vinieron aquí a Euskal Herria a preguntar si mi madre podría ir de niñera a cuidar a sus primas. Entonces yo creo que fue con ganas, pero para ayudar a la familia fue. Y ahí dentro, en el estado de Washington, por ejemplo, no hay muchos euskaldunas de... Bueno, hay, pero pocos comparando a Idaho, California, Nevada. Hay más de la generación de en 1890, no de generaciones antiguas. Entonces... Ahí que también en Seattle, Euskal Etxea tenemos. Antes también había un Euskal Etxea en Spokane, pero... Seattle, pero también había otro en el estado de Washington, pero al este, Spokane. Bye. Había, y participábamos en los dos. Entonces, también tenemos un grupo de españoles que también habían trabajado con ovejas, que son los aragoneses, los gallegos. Entonces, ahí se juntaban todos, amigos, y ahí se conocieron mis aitas. Yo creo que se dieron un vistazo y pum, pam, pum, pam, se enamoraron y se casaron y ahí se quedaron. Y también sé que de ahí también, ¿sabes? Entre esa vida trabajaron ahí en donde estaban las vacas, pero sé después de que yo nací, con 2 años fuimos a vivir a Chino, California. Sí. A Chino, California, a una lechería, y ahí estuvimos un par de años, o año y medio, y después volvieron al estado de Washington, donde compró... mi aita su primer granja. ¿Y ahora? ¿Dónde? Fueron a Royal City, que está a 25 minutos de Moses Lake, cerca. ¿Y ahora viven también en Estados Unidos? En el estado de Washington aún viven, sí. De acuerdo. Uh-huh. ¿Y no quieren volver? No. De pequeña me acuerdo que mi madre sí quería. ¿Y por qué? ¿Por qué? Sí. Es que yo creo que para ellos, bueno, más yo hablaría por mi aita, igual él diría no. Pero lo que yo veo es que él se fue de aquí en una época que, claro, Robert y yo no conocemos, pero se fueron en una época que después de todo que pasó, pobreza, etcétera, para ellos ir de aquí para allá sin idioma, sin nada, sin cero, y hacer lo que han hecho es también un orgullo bastante fuerte. Entonces, para ellos es la vida que han hecho. De acuerdo. De trabajar. Mi madre... Como decía, de pequeña ya sé que volver un poco le traía mucho más volver aquí. Pero ahora la vida lo han hecho allá. De acuerdo. Robert? Oui. Et toi? Et moi? Donc tes parents? Oui, bon, je vais commencer avec, avec mon père. Attends, je vais m'installer parce qu'il y en a pour une demi-heure. Ça veut dire quoi ça, Benoît? Attends, je vais me lever, je vais aller chercher une tartiflette. D'accord. Tu peux aller jusqu'en Bretagne pour le chercher. Ouais, non, j'ai pas le temps. Je vais essayer d'être assez clair. Peut-être pas rapide, mais clair. Bon, on commence avec mon père. On va voir s'il y a des similarités entre moi et Esther. Mais mon père, quand il a immigré à San Francisco, il est venu de terminer son... En quelle année? C'était en 59. Okay. Et il est venu de terminer son service militaire. Il était en Algérie pour 20 et quelques mois. Et quand il est revenu au Pays Basque, il avait déjà un cousin... qui était déjà à San Francisco, okay. Et qui lui a écrit une lettre, qu'il y avait du travail là-bas. Et mon père, je crois, après avoir d'être hors la maison pour pas mal de temps déjà, mm-hmm. Il a parti là-bas un peu, je crois avec l'agence Iriar. Oui, c'est ça, Charles Iriar. Et il a parti là-bas pour, on va dire, pour faire les 5 ans, un peu comme classique, pour faire 5 ans en Amérique et revenir au Pays Basque. Mais pendant son époque à San Francisco, il y avait deux choses qui a fait rester là-bas. Un, il a trouvé ma mère. Mm-hmm. Mais en même temps, il y avait tellement des jeunes de son âge qui étaient déjà à San Francisco, dans le quartier de Broadway, on va dire entre le quartier italien et chinois à San Francisco, mm-hmm. ils avaient presque leur propre village. Et beaucoup de ses amis qui étaient au Pays Basque, il les a retrouvés à San Francisco. On retrouve un peu la même chose à Boise avec le Basque Block. En fait, c'est un quartier. Voilà. Hein, c'est Chinatown, c'est... Voilà. Mais bah, Boise, c'est autre chose parce que ça existe toujours, quoi. Et même les Américains, you'll tell me if I'm wrong, but in Boise, that Basque Block, the Basque culture is supported by Boise and by the whole state of Idaho, just not the Basques. Right. It's right in the heart of Boise, so it's being supported by everyone, by the government, and also Boise's had, or Idaho's had the chance to have, you know, some high governing officials that are Basque, yeah. So it's been supporting it and supporting. And the mayor of Boise too, as well. Exactly. La différence entre San Francisco, pour brefement expliquer ce que je viens de dire, la différence entre on va dire San Francisco et Boise, à Boise, dans l'état d'Idaho, les Basques, ils sont très bien représentés dans le gouvernement de l'état, les Américains autour, c'est pas aussi peuplé que San Francisco, et la culture basque, elle est très, très, très respectée. Boise, c'est notre monde. Mais à San Francisco, on va dire que cet endroit au centre-ville de San Francisco à cette époque-là, les années 60, ouais. Les Basques, ils étaient le French Hotel par là, le Basque Hotel, Pyrénées, ouais. Des Alpes, c'est ça, voilà. Il y avait un paquet, et c'était un peu le colonie basque était on va dire la frontière entre le quartier italien et le quartier chinois, et ouais. Pendant cette époque-là, hein, sorry, that's all right by the Italian air, because we were just there. Exactly. Okay. On Broadway, downtown San Francisco. Okay. Mais bon, comme toutes les autres populations qui sont venues à San Francisco à cette époque-là, les années qu'ils ont suivi, les Basques, ils ont intégré très, très, très bien dans la culture américaine. Ouais. Ils ont parti dans les banlieues. Donc, cette zone au centre-ville de San Francisco, il y a des traces de cette colonie basque, mais il n'y a pas une communauté qui est toujours au centre-ville. D'accord, oui, parce que là, c'est au South San Francisco qui est le Basque Club. Mais voilà, pour se regrouper, ils avaient, une de les raisons qu'il y avait cette, on va dire, migration, quelque part, entre guillemets, oui. Il y avait tout ce qu'il fallait au centre-ville. Tu avais, à l'époque-là, tu avais l'Église nationale de la France, que les Basques utilisaient pour leur ouais. Église, un peu comme dans chaque village ici. Après, il y avait une fronton qui était dans un lieu public. Ouais. Et dès que cette fronton elle était démolie, ouais. les Basques ils sont regroupés pour retrouver un autre endroit pour jouer à la pelote. C'était à cette époque-là, c'était grand. Mais c'est là qu'ils ont créé l'autre fronton. Mais voilà, c'est pour le terrain qu'ils ont trouvé, ouais. C'était à South San Francisco, c'était à bon, on va dire à 30 minutes de leur village central au milieu de San Francisco, où ils ont fait une mur à gauche avec un restaurant, et cet endroit-là a devenu on va dire la nouvelle place de le village, entre guillemets, des Basques de San Francisco. D'accord. Là-bas, l'intégration, elle s'est faite comment? Avec le boulot. Tu parles d'intégration dans la culture américaine ou... Oui, en Amérique. Parce que ton père, quand il est parti d'ici, donc tu nous as dit qu'il a quitté l'armée, il sortait de l'armée, oui. Il avait un cousin qui était là-bas. Bon, je pense qu'il y a le cousin qui l'a aidé, mais le cousin, ce n'est pas non plus toute la vie quotidienne, si tu veux. Donc je pense que dans sa vie de... Bon. La langue a dû être un problème. Mais ça, mon père, il a fait des cours de nuit pour apprendre l'anglais. Et il a travaillé... à cette époque-là, il y avait beaucoup d'immigrés qui sont venus de partout. Surtout ce milieu. Mon père, il a travaillé dans une boucherie, mais à l'époque, c'était une usine. Il faisait tout de A à Z. Et il y avait beaucoup d'Italiens. Donc, il y avait beaucoup d'autres cultures à la même temps. Donc, les Basques, les Irlandais... Et les Italiens se comprenaient très, très bien. Mais pour cette intégration, c'était vraiment le travail qui a poussé mon père à apprendre la langue. Mmh. Il y avait le sport aussi qu'il aimait beaucoup. Il aimait beaucoup lire avec le journal. C'est comme ça qu'il s'est intégré de plus en plus dans la culture. Mais c'est basque aussi, parce que, bon, il y a toujours le travail. Mmh. Mais dans un lieu social, comme tu dis, avec leur langue... complètement différent de toutes les autres langues sur la planète. Je crois que c'est un peu grâce à ça que ces liens qu'ils ont fait entre eux pour faire le club basque et après le centre basque, d'être capable de se retrouver un dimanche dans un restaurant qui était tenu par des Basques. Ils pouvaient se regrouper, ils pouvaient aller à la messe, ils ont fait une clique, un groupe de danse. Ils ont recréé un peu leur village. Tout le monde a pris un peu de leur village natal, quoi. Ouais, chacun a amené, ouais. Amené leur truc, et ils ont partagé ça pour créer un peu leur mix des Basques là-bas, pour se retrouver, pour tenir ce côté social. Est-ce que on dit souvent que San Francisco, c'est la ville des melting pots? Mais voilà. Et est-ce que c'est pas aussi la ville des melting pots basques, entre guillemets? Je pourrais pas. Oui, on va dire en termes de village d'Iparralde, mais je crois une autre commune dans la diaspora, bon, on va dire de l'Amérique du Nord, ouais. qui a pris un peu plus de côté d'Iparralde et de Egoalde, c'est Reno, Boise, on va dire, il y a beaucoup de Biscaya, peut-être. Mais Reno, c'était il y a un peu de tout. Voilà. San Francisco, c'est beaucoup Iparralde. Ok. Dominant beaucoup. San Francisco, Chino, Bakersfield, c'est tout ça, c'est Iparralde. C'est pas mal avec un peu de Navarre, mais voilà. Dès qu'on va un peu à l'est. À l'est. Reno, c'est vraiment je trouve. Esther, you help me if. But Reno is very well, seem more diversified in the Basque world, where you have people from the south and from the north that end up there. Yeah, more mixed. I think. More mixed. And nowadays. Benoît, ça fait quasiment 10 ans que je suis au Pays Basque, donc je ne veux pas te répondre à cette question. Non, je plaisante. Your parents. Oh, excuse-moi. We were talking about your parents. Yeah, Balgato. Aujourd'hui, oui. Cette communauté est toujours existante, mais ça est devenu un peu plus dispatché avec ce process, on va dire, qui est un peu naturel de partir aux banlieues. Mais il y a toujours le centre basque qui est leur lieu qui les attire. Et il y a toujours ce repas le dimanche qui ouais. passe au centre basque. Ils ont leur festival. Par exemple... Le week-end prochain. Voilà, le week-end prochain, c'est le 34e anniversaire du Centre Basque de San Francisco. Et il va y avoir des pilotari qui viennent de Hegoalde. Après, des joueurs de Yoko Garbi qui viennent du Staritz. Qui viennent d'ici même. Ah, d'ici. Mais voilà, après, il y a les séries de films qui passent là-bas aussi. Oui, film series. Il y a Oudalekou qui se passe là-bas. Il y a Oudalekou, il y a film series. Il passe quoi comme film là? C'est pas Mama ou... t'as un mail à lire, je crois que ton frère a envoyé. Bon, j'étais à Philippe, il ne pouvait pas appeler ce week-end, mais quand même, le 11 mars, ils vont montrer le film à Sierre et à Bioc. Il va voir Xavier Ilujo qui va présenter ce film parce qu'il connaît les caractères principaux qui sont dans ce film, qui est un important documentaire avec les motivations pour pourquoi les gens ils ont tenté ou qu'ils ont rentré en ETA. Et quand même aussi, cette semaine, j'étais en train de parler avec d'autres personnes avec le film qui vient de passer en hyper-RD maintenant, à Mama, qui décrit un peu la vie rurale ici au Pays Basque, mais qu'est-ce que j'ai compris, j'ai pas vu le film moi-même, mais les relations entre les différentes générations et personnages qui habitent dans une ferme et les soucis qu'il y a entre les différentes générations. Cet film, il y a une festival dans le grand musée à Washington D.C., le Smithsonian. Il y a le Smithsonian Folklife Festival. C'est chaque année. Cette année, en juillet, il va y avoir trois cultures qui vont être, montrées. Et Basque va faire partie d'un de ces trois. Et ils vont faire comme une mini festival de films où ils vont voir cinq films du Pays Basque. Et je crois qu'ils vont voir un Mama qui va être montré là-bas. Rien que ça. Pardon ? Rien que ça. Rien que ça ? C'est régulièrement, en fait, que ton frère... Parce que ton frère, il s'occupe aussi du BEO, Basque Educational Organization. Oui. Il est là-bas aussi. Il a été président du Basque Cultural Center pendant deux mandats, je crois. Two times. Sûrement un, je ne sais pas si l'année c'était... L'année où il y avait Bill Clinton. Oui, voilà. Venu, voilà. Mmh. Donc, bon, c'est... Voilà, Robert a... À la famille à Robert. Ton père fait partie des fondateurs, d'ailleurs, du Basque Club. Oui, voilà. Et du Centre Basque aussi. Et du Centre Basque aussi. Ouais. Et comment il a été créé, ce Basque Club ? Qu'est-ce qui a fait... raconte. Milesker Chalbador. Hein. Oui, tout voilà. À fait. C'était, si j'ai bien compris l'histoire, et s'il y a quelqu'un qui écoute là, que si je me trompe, n'hésite pas d'appeler, envoie une mail pour me corriger. Mais beaucoup de ces Basques, quand ils ont attiré à San Francisco, ils ont rentré dans des clubs sociaux à l'époque. C'était la chose à faire pour sortir. Mm. Et à cette époque-là, beaucoup de des Basques, ils ont venu de Iparralde, ils ont rentré dans des clubs bernais ou français. Mmh. Et c'était pendant, je crois, un de ces festivals bernais où les Basques, qui dès qu'ils ont rentré dans ces clubs, les bosseurs, ils ont rentré dans la direction de ces clubs aussi. Mmh. Et donc, ils ont fait venir Chabador et Matine. Mmh. Pour chanter dans un de ces festivals. Et l'histoire va que pendant que Chalbador et Matine, ils étaient en train de chanter, il y avait quelqu'un qui n'a pas aimé que les berceaux et la musique traînaient trop longtemps. Donc, les micros, ils étaient coupés. Et ça a vexé les Basques que leur poète mythique qu'ils ont venu du Pays Basque, ils étaient éteints comme ça. Et sur un coup d'être un peu fâchés avec ça, ils sont réunis, ils ont décidé pourquoi pas notre propre club. Et c'était comme ça que c'était démarré. Le Basque Club. Et le Basque Club de San Francisco. Que tu as présidé, ça. J'étais président pour celui-là, oui. Voilà, tu y es passé. Tu es passé à la casserole. Pausa, chouata, guinendogo, mais... Proposition de soutien soutien, ben goulé, elle doudani la bête gomita. On va écouter notre prochain invité. 10 doigts de main, c'est Guillaume. Dresser des murs de béton, piloter un char, un avion, tailler les fleurs des jardins. Monter la mer, fabriquer du pain, dompter des tigres et des lions, conduire un métro, un camion, soigner les gens ou les chiens, piper des codes-barres, aiguiller les trains. Et toi, qui rêves encore entre mes bras, toi qui t'endors contre mon sein, que feras-tu de tes dix? Feras-tu de tes deux mains, dix doigts de main? Faire aux enfants la leçon, étoiles. Et toi, qui rêves encore entre mes bras. Toi qui t'endors contre mon sein. Que feras-tu de tes dix doigts? Qu'en feras-tu de tes deux mains? Quand viendra l'heure de faire un choix? J'espère que tu choisiras bien. Que feras-tu de tes dix doigts? Qu'en feras-tu de tes deux mains? Dido demain, entzuten duzue sortzi herrialdeak zuzenean Euskal Diasporaren emankizuna. Estáis escuchando sortzi herrialdeak zuzenean, la radio para la diaspora vasca. You're listening to sortzi herrialdeak zuzenean, the Basque Diaspora Show. Alors vous écoutez donc bien sortzi herrialdeak zuzenean, l'émission de la diaspora basque. Si vous voulez nous envoyer des messages, mais soit que naibai metu soy gori, quieres enviar un mensaje, you want to send a message, irratia, arroba, at, arrobas, .com. No, sortieprovinciac.com. Yeah, between everybody, we'll get it right. Send us an email. Yeah, Robert, oh, you want to say it to you? If you come to my website, .com. You know my website, .com? Subiac.com. Nah, Subiac. S-C-I-C. slash. No, S-C-I-C. Dash. Dash, Subiac.com. Gainera, horretarazteko, orain arte aipatu ditugun ikastaro guziak, lanpostu guziak, atxemaiten aldituzue beraz Zubiak kooperatibaren webgunean, eguneroz, 370 lanpostu denbora osoz, ikastaroak gutxi gora bera berdin ere, denbora osozkoak dira CDI, badira ere bai CDD direnak, deitzen ditugunak, eta badira ere bai VIE eta alternantzekoak ere bai. Gehienak dira orain arte pentsatuak frantses legearekin, atxemaiten dirilako frantziako webguneetan, dena zentralizatu dugu, horri alde batean. Hala, erran abai du, gure lugaldeko gazte batek sekatzen baldin badu lan bat Euskal Herrian aldu, sekatzen baldin badu lan bat Frantzian aldu, sekatzen baldin badu lan bat edo Karaibetan, edo Ipar Ameriketan, edo Asian aldu ere. Hala, ba, proposamena baldin bada, hor atxemanen du. Eta, horretarazten dugu ere bai, Zubia kooperatibak sekatzen duela norbait, mutiko bat edo gehen eska bat, ikastaro bat egiteko, beraz, assistance de direkzion, ala, zuzendaria laguntzeko ere bai nun bait, eta segitzeko ere bai, beraz, proiektu hori, barnetik, da, lau bost hilabeteko minimoa ikastaro bat, eta hizkuntza, beste hizkuntza bat mintzatzen baldin badu, euskara bai, baina frantsesa eta ezagetik ez espainola edo ingelesa, edo lauak bikain, ala, be, gurekin argumentan sartzen alda, elbidea da direkzion, frantzesez, D-I-R-E-C-T-I-O-N, direkzion, at S-C-I-C, maratikia, subiak.com. Voilà, segitzen dugu, orain, be, pixka eta intzinatuak gira, bo, ala, berdinda, orain dugu, basatuko dugu beste musika bat berandusago, ala, bena, hasiko dugu diasporaren berriekin. Ordan aldiuntan Lilia eta Antion ez dira hor, Antion anuetan baita badelako Real Sociedaden matxa, eta Lilia baitu beste gauz batzuk egiteko. Ordian, Berlinen hor gaur, zazpian gaur Berlinen Alemanian, zu zelaiak eleberrien irakur laldia Berlingo Etnologia Museoan, Miami, estatu batuetan, Miami Kirol, jaialdi barkatu 2006 Euskal Kirol eta lagun arteko festa Miamiko Euskal Etxea antolatzaile baita. Hor beraz, elduden asteburuan, beraz, hor otsailaren amaikan, hor Barcelona, Katalunian, beraz, Fermin Muguruzaren nola irun mitz New Orleans dokumentalaren emanaldia, zinemaldian, beti amabian hor Bartzelonan, Katalunian, Jumbo Amani eta La Noche del Raton pelikulen emanaldia, Kataluniako beraz euskal zinemaldian, urteroz Bartzelonako euskaletxeak antolatzen du zinemaldia. Eta antolatzen du ere bai, beraz da, sinema inguruko festivala bat, eta antolatzen dute ere bai EHS-ona, beraz da, musika festivala bat. Eta Euskal Herriko bai filmak eta euskarazkoak orkestuak dira han, eta euskal taldeak musikak, Ken Zazpi izan da han, beste Fermin Muguruza urtean, urteroaz badira talde batzu joetan dirak, ala, ala, eta Bartzelonako euskaletxea da, erraiten da, Europako euskaletxe dinamikoa dena. Hala. Boizen, Airaon, Loreak filma emango dute Euskal Museoan euskaraz eta ingelesezko azpitu tituluekin. Betik Bartzelonan hor mairuan, beraz otxelen mairuan, High Alley Blues eta Txarri Boda filmen emanaldia. Amalauean, hor beste filma bat, beti Bartzelonan, Walls eta Picadero filmen emanaldia, Kataluniako euskal zinemaldian. San Francisco nere egiten dute, ezta? Bai. Cinema aldea do horrelako zerbait. In San Francisco, there was something this weekend about the... They do a film festival. It's going to be in March. They do a film series. Ah. And then they show... In March, they are going to present Asher et Abiyok, so the 11th of March, at 7:30 p.m. 7:30 p.m. 7:30 p.m. Voilà. Donc Asher et Biok, Robert talked about that just before. We received also every time the newsletter from Basque Club, San Francisco Basque Club, Basque Cultural Center. And they are talking about. They put a plug in there for our show. Sorti Eriel Laxusenian, the Bas Diaspora Mostly Radio Show at Eriel Laxusenian. We return from its summer break on Sunday, 7th February, 11 a.m. PS time. We need to get that put into like all the Basque centers, into their newsletters. Okay, San Francisco's done. You can take care of Boise. That's what I was going to say. Why we don't have anything in Boise? I need to do that, right? Yeah. We are going to call Enar. Enar Chico will help us. She can also make the information. Or I can send the, like, three or four languages. Copy paste that wherever that's at. Yeah. Sure. Send it to the Boise newsletter. No problem. No. We need more colors. Gero. Segiten dugu hor, begira, hor, otxailaren ogoita zazpi, ez, ogoita batean, gaine, ez, ere bai, ogoiean, barkatu, emeretzian, haintzina zegira, emeretzian, ala, otxailaren emeretzian, le 19 fevrier, Bartzelonan, Katalunian, pelota bi eta un otoño zin Berlin, Bartzelonako euskaletxaren zinemaldian. Ogoiean, beti, generazion ika, beraz, iparretarrak, iparaldeko taldea, beraz, gure belaunaldikoak ezagutu duguna. Eta Amama, filmen emanaldia Bartzelonako euskaletxean, ere bai. Ogoita batean, Bartzelona beti, beraz, gure sorlekuaren bila, dokumentalaren aurkezpena. Eta ogoita zazpian, beraz, otxelaren ogoita zazpian, beti, sagardo eguna, kontzertua, baskaria eta trikipoteoa euskaletxeak antolaturik. Eta euskaletxean bada, jatetxe bat, ikaragarria. Bakersfielden ere bai hor Ipar Ameriketan beraz otxelen ogoita zazpian Kern County Basque Club euskaletxeko baskiden biltzer nagusia eta ondoren afaria. Hala, gero, urunago hor, joetan egira urunago, bon, apirilan, aipatu dugu beraz hor martxuan, martxuaren amaikan hor San Franciscon. San Franciscon ere bai hor, jakin berda, be, iparaldeko Michel Echeverri kantaria, kantaria euskal erritik heldu da, kantuz euskal etxera. Hala, nik mementuko azpapostatzen da uzet egitea pausatxo bat, entzutea, ale, Aretha Franklin and the Blues Brothers. Think. Just go. Franklin and the Blues Brothers, think! Hala, beraz, segitzen dugu, arratxeko behatziak dira jadanik, edo hainbeste. Robert, badugu norbait hor beti, on a quelqu'un la qui nous met la pression tout le temps, là, sur les réseaux sociaux. Donc, tu voulais remercier quelqu'un, je crois? Oui. Qui? Cousine Manu. Manu, milesker on dibat, hein? Ah, milesker, oui. Mais merci aussi à Madame Caroline, Coraline Dupas, qui nous envoie plein de messages à l'heure actuelle, depuis en direct, depuis sa Bretagne. Donc, voilà, j'espère que la tartiflette sera très très bonne. Puis, ben, on l'attend dans la semaine pour qu'elle nous la fasse goûter, hein, Robert. Ah oui, ça c'est une bonne idée, ça. Hein? Hein? Ah oui. Allez, ben, dis-lui, tiens. Bah, viens vers la tartiflette, s'il te plaît. Voilà. Donc, ça c'est fait, c'est cassé, voilà. Donc, segitzen dugu, orain, bete, eguraldia eginen dugu. Eguraldia pasatuko dugu. Beraz, hasten dugu, te Jordania, aman le beau temps, temperature goizian beraz eguraldi edera, goizian 6 grado arratsaldean, aman 4 grado Kopenhagen, odei asko eta euria egun osoan temperaturak 4 eta 7 gainera preseskin nahi nuke agurtu intzat irrieta egurekin dena teknikan gaur agurtzen aldugu, Aritz Gogorza gurekin zena ikastolan. Hori bera. Eta eskondu dena atzo, zorionak beraz zorionak Aritz Gogorzari. Hala beraz eskondu da atzo, Kopenhagen, eta guaidela mabostu dugu urtean bizitzen dela, Kopenhagen. Gero, Canberra, Australian, odei txiki batzuk izanen dira, temperatura goizian 14, arratsaldean 28. I would like to go to Canberra because it's a very warm. Hala, San Francisco, odei txiki batzuk, egun osoan, baina eguraldi ona izanen da, goizian 11, arratsaldean 22 grado. Gauza bat, segitzen dugu pixka bat ola, eta horrein profesiatuko dugu pixka bat, eta jatendik gure zerrenda normalean egina da. Orduan, gauza bat, zu Ester, zein izan da zure zailtasun handiena etorri zilerik utzi duzularik beraz boizi, etortzeko bizitzera hemen Hendaian, eta gainera bizitzen zira Hendaian, baina laska hon lan iten duzu? Bai. Orduan, zein izan da zure zailtasun handiena? Hizkuntza aldetik, Hizkuntza aparte? Aparte? Zertzen zaiena? Bai. Niretza ohitura, baina ohitura ez da hitza onena. Adibidez, legalen partez, adibidez, zer egin behar dut, nik badaukat doble nazionalitatea. Bai. Baina hori ez da, baizik adibidez, nola egin behar dut, impuestoak. Ah. Nola egin behar dut. Administrazioa. Bai. Ordu niretza, administrazioa ja helduaren zat, adibidez, gaztetan hori ez da importantea egiteko, zure gurasoek egiten dute zuretzat, baina niretzat zaiena zen, eta oraindik zaia da, jakin behar dut, denetik adibidez ni, bai, lan egiten dut, eta orduan dauka seguro soziala bai. Espainiatik, baina ere, Hendaian bizi naiz, orduan ze kobertura daukat, oraindik ez dakit, oraindik ikasten ari da, eta uste dut Baionara etorri behar dut ikusteko Espainiako enbajadan. Eta orduan hori nireza zaiena, jakin behar dut, zer egin behar dut, bai, legala naiz, baina legala izatea denetik. Ulertzen nauzun? Bai, bai. Eta zei zan da zure eksperientzia politena, edegena? Ba, politena, bueno, niretzat, nola esaten den, naturaleza hori polita da, eta ere jende ezagutzeko, eta gainera ikusteko ze txikia gure mundua den. Mm. Adibidez, Rociorekin topatu genuen bai, bai. Baionan, baina ere agurtzeko joan nintzen berengana Tolosara, eta han bere lagunak ezagutu nituen, baina ere jende ezaguna zen, bai, ah, oh, bai, ezagutzen. Agozio, bai. Ta, orduan... Baionan ere, ikusi zenuen, baionan ikusi zutela bai. Baionako udaleko etxe batzuek, bai, ez du, ezagutzen zaitut, ikusi zaitut hor, eta telebistan edo ez dakitze. Bai, eta gero aurpegia zere, ni, bai. Oh, bai, zure aurpegia ezagutzen dut, eta bai, nondik, pastoralatik. Ta, orduan, niretzat, hau da, ohitura gehiago... Arrapatzeko. Ez da baizik egualdeko aldean. Ere ikasten ari naiz iparaldeko aldea, baina Euskal Herrian munduan. Mm. Ez da egualde edo iparaldean. Hau da Euskal Herrian ordu niretzat bai pastorala, bai irratian, bai gaur Tolosan inaurteriak ospatzeko hori polita da niretzat. Telebista? Bai, telebistan. Ez behiratzen duzu? Bai, nik ez dauka telebista. Ah, salbatu azira. Ordo, nik daukat interneten bidez ikusten dut. Bai, bai, ikusten dugu, nola. Bai. Azken aldian segitzen zituen eta Ipar Ameriketako American Football Results. Bai, interneten bidez ikusten dut programia. Zer, ba, adibidez, hemengo telebista baizik ikusten dut EITB-en. Bai. Interneten bidez, eta bestela... Ango programazioak segitzen dut interneten bidez. Et toi, Robert, tu, pareil, quand t'es arrivé ici au niveau de, des difficultés, enfin, là, elle nous expliquait que justement, il y a, quand elle est arrivée ici, bon, le plus dur pour elle, c'était tout le volet de l'administration. Mm-hmm. D'autant plus qu'elle a une couverture sociale, elle a une double nationalité, mais qu'elle a une couverture sociale en Igualdé. Mais comme elle vit en Iparaldé, qu'elle ne sait pas si elle a une couverture sociale, donc qu'elle doit se rapprocher de l'ambassade d'Espagne à Bayonne. Ah oui. Enfin bon, c'est tout le volet un peu d'administration. Toi, quand t'es aménagé ici, c'était aussi compliqué ? Non, parce que dès que j'étais né, j'étais inscrit au consulat général de la France à San Francisco. Donc on va dire que j'étais un Français qui était né à l'étranger. Donc quand moi j'arrivais en France, j'étais déjà une citoyenne. Le seul truc, c'était pour le sécu, tout ça, il fallait que je travaille avant et cotiser, quoi, pour avant que je pouvais participer à ça, quoi. Et sur les médias, justement, parce que bon, toi, quand tu réfléchis d'abord en anglais, puis après tu traduis en français, quand même. Enfin, avant, quand t'es arrivé. Oui, tout à fait. Arrived. Tout à fait. Donc, les médias, tu faisais comme Esther, parce qu'Esther, bon, elle suit un peu les informations sur Internet, mais sur EITB, mais sinon, elle se connecte toujours donc à ses chaînes, ces médias qu'elle avait aux États-Unis. Tu continues, moi, pour mon immersion là, pour apprendre tout ça, j'étais très fan, c'est un peu marrant, mais j'étais fan de David Pujadas sur France 2. Juste pour écouter, parce qu'au début, le journal, parce que bon, j'aime le journal moi-même, mais d'être capable de le comprendre en français, j'ai mis du temps. Donc je me forçais à le regarder pour écouter, pour apprendre, et finalement j'ai compris. Mais pour les infos globales, l'internet, oui, je regarde le journal de San Francisco sur internet, New York Times. Bon, je regarde Telavista, c'est vrai que plutôt pour la pelote. Et tu regardes un peu ce qui se passe au niveau de la diaspora, de la communauté basque ou juste les informations comme ça? Bon, sur la communauté basque, j'ai plutôt mon réseau un peu comme dans une village, quoi. Je parle avec mon frère, ma mère, comme ça, tous les petits trucs qui passent à droite à gauche que peut-être on va pas lire dans le newsletter. J'ai ma mère qui va me dire, quoi. Oui, c'est plutôt Ama qui connaît les choses un peu plus intéressantes. Ouais. Philippe, c'est plutôt tout ce qui est qu'est-ce qui se passe au centre basque, tous les événements. Maman, ça va être plutôt le qu'est-ce qui se passe avec tout le monde, quoi. D'accord. Qu'on aime bien au Pays basque. Esther, badakit ere, gure lagun bat, Robertena ere bai, qui est un de nos amis là, qui va arriver en mois d'août, etoriko da Bustuan, ou il est Xabier Berrueta. Bai, agian. Oh, bai, bai. Xabi. Xabi. Ustailian. Ustailian, en juillet. Il vient. Ah. Fête de Bayonne. Oh, boy. Bai. Beraz, ez da zerretik heldu da. Hai, hori ez dut ezagutzen. Aba, ezagutuko duzu aurten. Gurekin, baina gauza bat, zerretik heldu da? Bueno, gustatuko litzaideke egitea pixkat pilota buruz, ez hemen, eta orduan bere asmoa da, hango pilotariarekin etortzea ona. Bueno, ez da entrenamendua, baina Robert ziur badaki hango camps baseball camp, football camp, horrelako gauza, baina han egiteko horrelako camp, egonaldia. Edo barnetegi bat. Bai, barnetegi bat, baina pilota buruz han ez da posible. Bai. Orduan, nun egin behar dugu. Noski, non jolasten dute pilota asko Euskal Herrian. Orduan, pixka hau da asmoa ona etortzeko eta hori ja egiteko hemen entrenetzalia hemengo pilotariarekin. Eta ere hango ja gazteak ikusteko ba, ze kirola polita daukagu eta haiek jarraitzeko han estatu batuetan eta gero gure federakuntzarekin. Hori az, eta hango gazteak ze, ez dira denak pilotan ari, efe pilota ez da hemen bezala ezagutua Ipar Ameriketan. Ez. Ez. Ordan, ez zaiten dute. Ez ke adibidez han zenbat frontoia daukago. Hai, bat bi? Bueno, pixka gehiago, baina hogei ez dut uste. Eta orduan jende gehienak ez dute esagutzen pilota. Eta orduan han ja badaude euskaldunak edo norbaitek ezagutzen du euskaldun bat. Eta bai, pilota zer den? Bai, baina bestela adibidez Boizen daukagu frontoia eta eta gure frontoien adibidez Basque Blocken Boizen erdian badago lurran azpian gure frontoian. Ezagutzen duzu non dagoen gure frontoian? The Basque Block. Yeah, we call it the Basque Block. Underground Fight Club. It's lurran. The left wall. Bai. Yeah, it's underground. In the sous-sol. Bai. Barruan. Eta orduan jende pilo bat egunero handik pasatzen da ibiltzen eta ez daki han badago frontoia handia. Ados. Hogeita mar metro dauka eta pentsa justo han badago eta jende gehienak Boizen ez daki han dago. Eta jende tenis asko jolasten dute Boizen. Baina pilota zergatik ez dute ezagutzen. Robert, erraiteko ere bai, da ere bai Parisen, bada trinkete bat, baina imule baten zazpigaren estaian. Trinketea da imulearen tontorrean. Eta horiek dira argentinarek, egin zutena beraz trinkete hori. Donc j'expliquais qu'à Paris, là nous expliquait que donc le mur à gauche, il était un peu sous terre à Boise, et moi je disais qu'à Paris c'est le contraire, c'est ils l'ont fait en haut d'un immeuble. Ah. Donc sur deux étages, c'est le trinquet des Argentins, ce sont des Argentins qui ont fait ça, et donc il y a le trinquet à Paris qui est au 7e étage. Donc tu prends l'ascenseur, tu vas en haut, tu te charges pour jouer au trinquet. Pour jouer au trinquet à la pelote. Ouais. Il y a plusieurs trinquets à Paris bien sûr, mais voilà donc il y a cette anecdote là qui est amusante aussi. Elle nous expliquait justement que sur le fait que il n'y a pas 20 frontons aux États-Unis, ouais. Et que donc Chabière venait pour essayer de proposer une forme de stage ou de perfectionnement. Perfectionnement de doigt. D'après Gallego et Castadori, Chabirena. Perfection. Oui, oui, là. The spark to start the fire and get them motivated. Over there. Eta hemen. Ango jendea, baina hemen. Motivé comment? Motivé? Oui, c'est pour les booster. Mais qui? Xabier Beretta et son groupe. Ah, ils sont combien qui vont venir? Somebody là, ils te recueillent. Zaki gu ora indique, a ver, ikusteko amabost, ok? Zaki time beste. Amabost, 15. Beraz là, et beraz, donc Xabier vient ici en juillet, donc pour un peu rebooster avec une 15-20 joueurs de l'équipe des États-Unis, parce que ici, il y a les infrastructures pour qu'ils puissent entraîner qu'il n'y a pas là-bas. Ouais. Voilà. Donc ça tombe bien, il va arriver un peu pendant les fêtes de Bayonne. Il a plein d'amis ici, hein, Robert, Esther, moi, fait bon, il va venir à la radio, on espère aussi. Voilà. Pausatxo bat eginen dugu. Eintza, ze musika ezaten aldigu zu hor? Ale. Bat ez dugu pasa oraindik. Ebe, pasatzazu. Pasatzen dugu. Zein da? Betiargo. Betiargo, bai. We are passive actors of a relentlessness. Star, name of God. Oh Lord, Lord, Lord. Ooh, ooh. Yeah, yeah. Ooh, ooh. Stars are dying every day, swept away by the dark misfortune. Went to the world, it seems hopeless to spare the innocent. Beraz, taldea deitzen da, Beti Argo Leheno deitzen ziren Lel, kantariak dira Lena eta Arno, Montpelliekoak dira. Ezagutu nituen eiek Parisen, oai dela 6-7 urte, donc je disais que c'était un groupe qui s'appelait avant Lel. Le chanteur s'appelle Arno et la chanteuse Lena. Lena est d'origine du nord, de l'Europe. Ils habitent Montpellier, je l'ai fait leur connaissance il y a 6 ans à peu près à Paris. Berarekin topatu zenuen, Parisen. Bai, dela xe. Eta nintzen, denbora hartako ere bai Eusko Sareren zuzendariarekin, deizen dena Antion Aramburu, gaur abeslaria ere bai. Antion, etorri berko zira behin irrati untaraz, eta gaur abeslaria, behar bada, bere kantu bat kantatuko baitu. Lurra zen, lurra. Nola? Lurra, zein, bere abestia? Bere abestia, norena, Antion? Gaur. Gaurkoa? Zein, hau? Bai. Hau da, Beti Argo, taldea, izena, eintza, horretzen alirazu? Kantuaren izena? Bai, Purple Suffering. Hori da. Maite duzu? Bai, gustatzen. Ez bat, egiten du ez etzen buruarik eta bai, bai. Ez. El fenoma belatetan iuik. Maite eta gustatzen. Bai, bai. Zuek maite erabiltzen duzu egeiago eta beti nire buruan. Maite ezak, ez gustatzen bai. Welcome in power. Gustatzen. Maite dut. Robert, tu konezi? No? No. Etem? Bof. I don't know. You don't know? No. You don't like? How can I like it if I don't know it? Yeah. It's complicated. You would like to meet them? Yeah, sure. Yeah? They need to come. Okay. Well, next month we have got with us Gio, the group Gio. He's a singer. He's a friend of mine as well. And I would like to propose it to the diaspora as well, because he's a very good singer. And you will see, he's a very funny guy. And just for the moment, you know what? They couldn't come today. They were invited, but they sent me a message saying that they have some problems, so it was the group Ken Saspi. Oh. They couldn't. But they will try to come in April. Okay. May, we are going to see. Beraz, Ken Saspi, barkatu izan da, normalen gaur etorri behar ziren, baina hini haute lorrietak bidelea e-mail bat erranez, bazituztela arazo batzuk eta ezin zutela gaur izan gurekin. Baina nortarako nik proposatzen da uzat horrentzi bertan entzutea. Ken Saspiren azken diskaren abesti bat. Joaten baldin bada. Badua? Bat? Eldu da. Singing. Nik ez naiz hasiko kantatzen. Itzultzen ari da gainera, baina zaude. Ez du hartu nahi. Aldatuko dugu, eh? Aldatuko dugu, ale. Bada, alderantziz ezari duzu dizka. Tapa mire dizka da, ber. Barkatu. Ea oraikoan abiatzen den. Ale, bat, bi, lau. Eta hola, denbora pixka bat irabazten dugu, la? Aldiz. Bai? Ez du nahi? Ale, ez du nahi. Bai. Horai mai. Kentzazpi. Lolo, lolo si. Thank you. ikusten ez diren loturak ez duenak espero gabean azaldu litezkenak ez harri erdiko aingura trabatua zauria berbera dugula diotenak horrela egin daigu zauria ni askatu Zazpi, entzun dugu, azkenean. Hala, beraz, be, gure tenorea intzinatzen da, pixkanaka, eta guk bebai, horrekin be, segitzen dugu pixka bat, eldu den emankizuna iraganen da, beraz, martxoaren seian, nahi baldin baduzu etorri emankizunean, ikusteko nola pasatzen den gure emankizuna, posible da, aski duzu ebakarrik igortza email bat, irratia, abildua, zenbakia, sortziprobintziak.com, elbidera. Hala, uste dut bihar ez dela irrepikarik, intza. Bai, bada. Bada, ordan errepika bihar ratzeko behatzetik goiti. Hori da. Voilà. Beraz, donc, prochaine émission de radio le 6 mars. Si vous avez envie de venir assister à l'émission et pour voir comment ça se passe, pour voir la bande de gailurons que nous sommes, eh bien, il n'y a pas de souci. Vous nous envoyez juste un email à iratia@numero8provinciac.com et n'oubliez pas que ça repasse demain sur Goulet Iratia et sur le site internet aussi de Goulet Iratia et Euskal Iratia à partir de 21h. Si quieres mi próxima emisora radial el 6 de marzo y si quieres visitarnos durante la emisora radial se puede ver se un puede, poco eso. Se puede ver nuestras caras de monolocos un poco, venir a participar un poco con nosotros. Ya claro, se puede y hay solo que enviar un correo electrónico a irratia@numero8provinciac.com y no olvides que mañana a partir, bueno, a las 9 otra vez van a repetir el programa de hoy, entonces podéis escucharlo otra vez. Eso es, en la página web de gureirratia.eu o euskalirratiak.eus. Y voilà, donc, Robert, translation in English? The next show will be March 6th, and if you're interested in, if you're in the Basque Country and you want to be here with us in the studio to see how everything goes and to hang out with us, since we're so cool, just send us an email at iratia at the number 8provinciac.com, and we can try to make it happen. And tomorrow, the show will be rebroadcast tomorrow afternoon. Yeah. 9 p.m. 9 p.m. local time. Local time, 9 p.m. So it's at noon Pacific Standard Time. Ah, yeah, yeah. Well, at noon at, okay. Just, and then it'll be, you can stream it from? From the website of Sortie Provinciac as well. Okay. And tomorrow, the broadcast will be also on the website of sortieprovinciac.com. Okay. And as every month is. Next month, I remember our invited will be Guillaume, the one singer as well, and in April our friend from Marseille, and maybe we are going to tell what, Robert? Fernando Zabalza. Fernando, oui, ton pot. Hala, be horrekin bururatuko dugu gaurko imankizuna. Lila antzion eziren gaur hemen gurekin, voilà, bon, lekua baginuen. Ordo nahi dituzke eskertu be, bai Esther, min esker gurekin izaita egatika aldi honetan, bai? Bai zuri. Hala, Robert, thank you very much to be with us today. You're very welcome, dejotaz. Voilà, Coraline Dupas, merci pour les 200 messages que vous nous avez envoyés pendant l'émission de radio. Donc je ne peux pas répondre à toutes et non, nous ne pourrons pas faire de photos sexy de nous trois, c'est pas possible. Donc voilà, parce que c'était non mais c'était une vraie demande, hein. C'est pour ça que je te l'ai. Wow. Donc voilà. Donc voilà, beraz, horrekin burutzen dugu gaurko emankizuna, eskerrak deneri, eta erraten dut beti bezala, kasu bidean. Sortzi herrialdeak zuzenean Euskal Irratietan. Euskal Diasporaren emankizuna. Hilabetero, lehen igande guziz, arratseko zortzietatik goiti bederatziak eterdi arte. Eta errepika astelenean, gaueko behatzietan. Zortzi herrialdeak zuzenean. Euskal Irratia eta Zortzi Provintziak elkarteak antolaturik.